Maman me réveille doucement. Chouette, j'aime bien l'école. C'est le petit déjeuner. Maman me dit qu'elle va avoir un nouveau bébé. Non! Je ne suis pas d'accord. Un voisin arrive. Plus de bêtises. Que je suis malheureux. Je voudrais me recoucher. Maman m'amène à l'école. Ça m'a fait du bien de pleurer. Je me sens mieux. J'ai réussi tout ce que la maîtresse me donne à faire. Le soir arrive. Maman me ramène à la maison. Non, c'est mon jouet. Hop, mon frère. Maman me fait un gros bisou. J'ai envie de dormir. Ah, vivement le nouveau bébé. Pourras-tu bagarrer à trois?